Après, il est parti, il a rien dit, le bâtard. Moi, j'ai sacrifié mon truc pour lui. Le gros bâtard. Test. My head, a head screw.